suis pas un vendu, jamais de la vie joue le rôle à Omar. Qui lui avise, seigneur de guerre, comme le Mola Omar. S.O. Congo Bill, les gros j'ai les combos de kill. Code chaîne, mes compos kill, je veux le genre de cash qu'on compte au kill. Je mixe le lin avec des monsters, je suis comme si j'avais 11 cœurs. Fonce peur, les gros factuels vis sont devant, donc 11 cœurs. Derrière la ligne, grand ouvert, les darons les grailles sans couvert. Je joue trop bientôt, j'ai le sang ouvert, sous génétique comme à Vancouver. Je touche du vrai, du digicash, vrai négro comme FPG cash. En route vers le sommet avec mes négros, suis comme les lettres IJK. Chant JT ou chant la sève, équipe à vie jamais sans la sec. Sans aucun stress, on les fouette de ouf, à la fin du match, négro y'a 100 à 7. Équipe. J'suis dans le vent, esquique à fond, j'arrive équipe à fond. Record petit, éthique à fond. Équipe. Hein? S.O. Congo Bill, coach chaîne, mes compos kill, je veux le genre de cash qu'on compte au kill. Équipe. J'suis dans le vent et j'kick à fond, j'arrive l'équipe à fond, encore petit j'kick à fond. Équipe. Hein? S.O. Congo Bill, coach chaîne, mes compos kill, je veux le genre de cash qu'on compte au kill. J'm'applique dans mes centres, lève ta clique dans les centres. Mes gros faux, Vlad Fric pour investir en Afrique dans des centres. J'fume de janvier à décembre, j'm'explose gratuitement pour la cause. J'roule 4 gosses pour la pause, crack musique, appelle-moi pour la dose. La D1, bientôt tout vert, comme si c'est Saint-Patrick. J'applique les 48 tous les jours comme James Saint-Patrick. Ton équipe sert à R comme 30 Lucas. J'veux faire graille toute la famille en même temps comme Franck Lucas. J'arrive équipe comme De Real, Malfonce réflexe comme De Real. Négro Brésil, ton flow s'achète au détail comme De Real. Alpra 025, SOGF, JSO 25. Toujours tout en haut de la tour, négro, comme si j'habitais au 25. Sous l'enfonce, des comme Alero. Sous le soleil, Dakar comme Valero. Shenzhen, mets-moi en pointe, j'suis comme Dibala, négro, t'es comme Gamero. Technique d'Alabama comme Toby. Dans la défense comme Toby. Cherche la concu, c'est des airs comme Kobe. Dur dans la peinture comme Kobe. Équipe. J'suis dans le vent et j'kick à fond. J'arrive équipe à fond. Record petit, c'est tic à fond. Équipe. Hein? S.O. Congo Bill, coach chaîne, mes compos kill, je veux le genre de cash qu'on compte au kill. Équipe, j'suis dans le vent et j'kick à fond, j'arrive l'équipe à fond, encore petit c'est tic à fond. Équipe, hein? S.O. Congo Bill, coach chaîne, mes compos kill, je veux le genre de cash.